Sturm Graz no caminho do Sporting. Enfim, houve ali aquele confronto com o Lasse Lins, já com o Rubén Amorim. Bem sei que eram as circunstâncias bem diferentes. O tempo de Rubén Amorim à frente da equipa também era outro. O que é que te parece este duelo que o Sporting terá com o Chove Trigo? No papel e em teoria. Será retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Bon sang, c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Pour quelques sous, le père Renoir nous vendrait son tout dernier tableau. Bon sang, c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Pour passer le temps, et tant est oublié, c'est pas ce passé, son lustre d'antan. Adieu nos gens, et adieu les guinguettes, dimanche au bord de l'eau. Les romans bleus vont se tisser ailleurs et dans d'autres berceaux. Fini la fête, le populo parti, fini le caboulot. Où toutes les Juliettes et tous les Roméo. Quand on pouvait retrouver les guinguettes le dimanche au bord de l'eau. Le soleil a brillé pour d'autres étés, loin de la cité. Mais rêvons un instant, effaçons le temps, retrouvons nos gens. Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Sans c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Pour quelques sous, le père Renoir nous vendrait son tout dernier tableau. Bon sang, c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Bon sang, c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Bonjour à toutes, voilà donc il est 13h passé de 30 minutes. Voilà donc, ben nous sommes déjà le vendredi et le retour avec les chansons souvenirs. Et puis nous sommes déjà bien le premier jour du mois de septembre. Et oui, les mois ça passe aussi très vite que les jours. Voilà, disons, on n'y pense pas à ça, on pense plutôt aux chansons, tout simplement, qu'on aime beaucoup. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée avec Lorenzo, entre 9h jusqu'à midi, ainsi que vous allez le retrouver donc eh bien la semaine prochaine. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec les chansons, puis je vous laisse avec France Gall, et puis suivi de Sylvie Vartan. Thank you. mène avec Christophe du côté d'Italie. Et puis juste après, Billy Joel. qui pense que j'aurais besoin que l'on m'aide, tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aide. Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes. Si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes, on m'a dit tu prends trop la tête. J'essaie de mieux voir combien la vie est belle, la vie. Ouvre les bras, je me suis dit à ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Me vois comme un vaurien. Papa m'a dit ce n'est pas un métier de musicien. Laisse-moi fermer les yeux au moins jusqu'à demain. On m'a dit je compte pour la peine. On m'a dit je compte pour la peine. Essaye de me voir combien la vie est belle. La vie ouvre les bras. Je suis dit à ça la vie est belle. On m'a dit, prends pour la tête, essaye de mieux voir combien la vie est belle, la vie. Ouvre les bras, je me suis dit, à ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Écroulé sur un matelas, le nez sur la radio qui répète qu'il fait chaud. Pas envie de travail, reste couché, je déraille. Tous les jours c'est pareil, faut que je me cache du soleil. Il fait chaud, faire attention au soleil. Il fait chaud, et tous les jours c'est pareil. Voici donc le groupe Alphaville. Et puis juste après Alvaro Solar. The sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, Canard Machoum, et puis juste après, si, oui, ça, c'est un autre Machoum, mais c'est plutôt Barry White. Madame Wells, atomise et deux cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame Rêve, Madame Rêve, d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la glissent. Rêve d'archipel, vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Some things I can't get used to. No matter how

Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there. I'm taking it step by step, bit by bit, stone by stone, yeah, brick by brick, oh yeah, step by step, day by c'est Eurythmics. J'ai levé les yeux au ciel là, j'ai vu la lumière, j'y ai baigné mon âme. Dans le ciel, maître de base. Il m'en a fallu du temps pour vous trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a si souvent envie de voiler la face. Je ne veux plus jamais me séparer. toi, du fond de moi. J'ai dans le cœur ce que tu penses qui dit de mes pas. Dieu me donne la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur ce que tu penses qui dit de mes pas. J'en ai connu des fantômes, fantômes de l'amour. Ceux qui en a commandé passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Je vais rester, je vais me porter, j'en suis fière. Je me donnais la foi, le fond de moi. J'ai dans le cœur ce pense qu'il dit de mes pas. Je me donnais la foi, à qui je ne sais quoi. J'ai dans le cœur ce pense qu'il dit de mes pas. Thank you. grains de sable perdus dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. J'suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme empli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les ailes, aime-moi dans le vent. Pauline, je n'ai jamais eu la chance d'être sa copine. Elle avait l'air plus grande, ses jambes étaient si fines. Il n'y avait dans sa bande que les plus jolies filles. Oh Pauline, pendue à tes bottines, les garçons passaient tous à côté de moi. Oh Pauline, belle comme une ballerine, je les comprenais, je ne leur en voulais pas. On a suivi nos routes, un peu en parallèle, moi surmontant mes doutes, toi de plus en plus belle. J'ai trouvé ce garçon qui me trouvait je ne sais quoi. Tu connais son nom et tu le veux pour toi. Oui, tu le veux pour toi. Oh Pauline, j'ai pas ta poitrine, mais mon cœur bat pour lui, ne me fais pas ça. Oh Pauline, moulée dans ton jean, tu sais que je ne peux pas lutter contre ça. Je suis pas stupide, tu peux claquer des doigts, en faire un chien de cire qui ne vivra que pour toi. Ah ah ah, pour toi ça n'est qu'un jeu, tu l'oublieras demain. Moi je suis folle amoureuse, s'il me quitte c'est la fin. S'il me quitte c'est la fin. Oh Pauline, rose pleine d'épines, tu le blesseras un jour. Oh, boy. Laisse le bonheur aux autres. sur Arc-en-Ciel. Voilà, je vous laisse avec le country, puis juste après Gypsy King. So good on you, but we ain't got no room to move, no room to move. We need some space, and I know a place outside of town where it don't ever close down. No, we never close down. Yeah, we can two-step, put your boots on, baby, we can do that. Girl, cut a little loose, you can move that, move that. Oh, yeah. I'll take you dancing in the country, dancing in the low bass, speed in some red dirt, swinging on the floor. come and look out through the window. That big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us. Voici les Gypsy Kings. cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se impara su vela, cuando se impara dolores, cuando se impara dolores, cuando se impara dolores, cuando se impara su vela, cuando se impara dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Yeah. s'appelle Chris Rea. Et puis juste après, on écoutera Black Box. Oh,

un fait pour que la vie soit toujours une longue nuit d'amour. Il faudra que l'on s'embrasse à chacun son tour. Luna de miel, luna de miel sur le soleil. Nous sommes loin, loin du monde de vous. On s'aimait plus, c'est tout. Luna de miel, luna de miel entre mer et soleil. Il n'y a rien que l'amour entre nous. Je t'aimais plus, c'est tout. Luna de miel, luna de miel. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi t'as toujours l'air ailleurs? À moi je te sens si sensible, mais tu m'as l'air inaccessible. Des années 80 et puis juste après Hadaway. Et my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Thank you. chance just to touch your head or a moment to share. Catching out the urge that makes you want to lose himself to the never give up.

les aimer. Comme je t'aime aujourd'hui, je n'ai jamais aimé. Aussi vrai de ma vie, je n'ai jamais aimé. Voilà donc après Frédéric François, voici donc Michel Sardou et Eddie Mitchell. J'aimerais que pour ma dernière danse, l'orchestre joue de préférence la chanson qui nous a réunis. C'était une chanson en anglais, je me souviens ce qu'elle disait, l'histoire d'un homme. D'une vie. J'aimerais que pour ma dernière danse, mes amours s'écartent en silence pour laisser passer mes amis, ceux qui ont marché avec moi, les absents et ceux qui sont là, une poignée d'hommes. C'est important, ce tempo nous fait l'Orléans, mélancolique et chaleureux. J'aimerais que pour ma dernière danse, mon tout premier amour s'avance, et que nous ayons 15 ans tous les deux. La chanson qui nous a réunis. C'était une chanson en anglais, je me souviens ce qu'elle disait. L'histoire d'un homme, l'histoire d'une vie. J'aimerais que pour ma dernière danse, mes ennemis aient la décence de se lever. Se rappelle de nos combats au mieux, ils ne s'en souviennent pas. Ce soir la bataille est finie. Il faut aussi de la gaieté, la dernière danse est belle aussi. Et que les femmes soient habillées en robe aussi noire que la nuit. J'aimerais aussi cette importance, cet tempo, nouvelle Orléans, mélancolie. J'aimerais que pour ma dernière danse, mon tout dernier amour s'avance, et avoir l'éternité pour nous deux. César. Toute l'équipe, ça, je ne serai pas star. Oh, je vous aime, je vous aime. Mathieu et puis suivi de Annie Cordy. Je t'ai attendu pendant tout l'été et sans le savoir déjà je chantais. Et j'apprends à rire, et j'apprends à vivre.

arrivé à la gare d'Austerlitz, voilà 2 ans déjà. Il n'a qu'une idée, gagner beaucoup d'argent et retourner là-bas. Le portugais dans son ciré tout rouge, qui ressemble à un épouvantail. Il ne t'entend pas, il est sur le chemin. Voici donc l'équipe de l'univers, et puis juste après on écoutera Lily Harmony. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait. des signes d'espoir dans les regards. Tout nous l'a écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. Noir et encore.